Made in Unity. Soldier Biz, big up. Pour tous les frères et les sœurs. Ma coca musique. Ceux qui ont vécu ensemble les peines et les bonheurs. Les hauts et les bas ensemble. Tous les sauces, les frangins, nos sistas. Et bien sûr tous nos youths qui sont là maintenant. On n'oublie pas. Non, ce n'est pas facile aujourd'hui trouver son style dans tout ce monde hostile où tout part en vrille. Plus de temps pour s'écouter qu'un peu de temps pour se poser. Faut faire la monnaie pour pas se retrouver de côté. Beaucoup en deviennent barges, ils tentent de prendre le large, sont bloqués au premier dérapage. Et ça me fout la rage. Les élections n'y croient pas trop, ils jouent tous à numéro, mènent toute la masse en bateau aujourd'hui pour une poignée d'euros. Et si tout ce que t'as raté n'était qu'un mauvais rêve, à toi de te sentir fort à chaque jour qui se lève. Chaque jour qui se lève. Et si demain tout le peuple décidait qu'il se soulève, le peuple qui se soulève, je prie fort pour que ce ne soit plus un rêve. Gardons bien tous nos poings en l'air pour toutes les souffrances endurées, pour les injustices. Hey, en fait ça me fait bien rigoler. Tout le monde pense qu'à se protéger sa propre petite sécurité. Comme ça personne se met à gueuler. C'est sûr se retrouver à la rue, ça leur ferait bien mal au cul. Et t'as encore rien vu quand tu te retrouves vraiment tout nu. Mais c'est là qu'il faut attaquer, leur prouver que ce n'est pas vrai. Vive avec moi pour partager, à l'arrivée pouvoir se regarder. Alors, mais ils ont décidé autrement. Ah ouais, à toi de choisir maintenant ton camp. Souffrir tellement pour ces méchants, ah. Ou prendre la vie comme un présent. Et si tout ce que t'as raté n'était qu'un mauvais rêve, à toi de te sentir fort à chaque jour qui se lève. Chaque jour qui se lève. Et si demain tout le peuple décidait qu'il se soulève, le peuple qui se soulève, je prie fort pour que ce ne soit plus un rêve. Ce n'est plus un rêve. Non, je viens plus faire de politique, je viens plus faire de religion. J'appelle tous les humains, tous ceux qu'on sent rouge dans les veines, tu vois. Ce qui fait que ça fait chrétien, musulman, athée, latino, australien, africain, d'ici ou d'ailleurs, européen, asiatique, maghrébin. C'est unity. Pour vivre ensemble, va falloir faire des efforts. One love, y'a pas un qui est plus fort. Et si tout ce que t'as raté n'était qu'un mauvais rêve, qu'un mauvais rêve, à toi de te sentir fort à chaque jour qui se lève. Décidait qu'il se soulève, le peuple qui se soulève, je prie fort pour que ce ne soit plus un rêve.